Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc rendus à la 14e séquence du cours sur l'économie du web. C'est la dernière séquence et toute l'équipe des enseignants, Pierre Bénèche, Martin Bélanger, Benoît Éperon et moi-même, avons vécu cette aventure avec vous avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous tous de nous avoir donné l'occasion de réfléchir plus avant sur l'économie du web et aussi sur toutes les modalités d'un cours ouvert. Nous espérons qu'il vous aura été utile, soit dans sa globalité pour ceux qui l'ont suivi depuis la première séquence jusqu'à celle-ci, soit plus ponctuellement pour ceux qui ont picoré une ou l'autre séance, l'un ou l'autre des documents qui étaient mis en ligne. Cette séquence est donc une séquence de conclusion et nous vous invitons à la tirer vous-même au cours de l'examen que nous vous proposons, selon les modalités indiquées ci-dessous. Pour vous aider à capitaliser toutes les connaissances que vous avez acquises, nous allons les réunir dans un cahier personnalisé, ce sera votre cahier, qui reprendra l'ensemble des synthèses que vous avez réalisées et leurs conclusions. Nous espérons qu'ainsi vous pourrez tirer le meilleur profit de ces 14 séquences que nous avons passées ensemble. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter d'abord un bon examen, et puis ensuite, bien sûr, de bonnes fêtes pour cette fin d'année.